Que ce soit pour le démarrage ou l'acquisition d'une entreprise ou le développement de celle-ci, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer au financement dans certains cas. Contactez-nous au 418-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de rappeler l'importance de la forêt pour notre économie dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va parler de football scolaire. On va parler de football scolaire. En fin de semaine, se tenait le prix des Cougars de Chicoutimi. Celui des également des Genois d'Allemagne était également en fin de semaine. On va parler demain avec Jean-Philippe Caron-Tremblay. Et celui des Gardes de Jonquière seulement dans deux semaines. Quoi qu'il en soit, on va parler avec Nick Menacci. Salut Nick! Salut Danny. Nick, d'abord, ce préquin-là sert à quoi? C'est un préquin qui nous sert d'évaluation pour les joueurs qui veulent faire partie de l'équipe pour le camp de l'automne prochain. Donc, souvent, s'il y a des joueurs qui se présentent, il y a des joueurs qu'on n'a pas vus de l'hiver, il y a des joueurs, des recrues qu'on avait recrutées. Okay. Certains joueurs se sont présentés également parce qu'ils voulaient essayer de faire partie de l'équipe l'année prochaine. Okay. Cette année, on avait plusieurs joueurs, donc on risque... On parle pas de coupure encore, on n'est pas rendu là, sauf qu'on risque d'avoir des bonnes batailles au camp. Donc, le pré-camp, nous, cette année, nous a vraiment servi d'évaluation. Ça nous a permis aussi là un peu de mettre en place des choses pour l'automne prochain. OK. Si on y allait maintenant avec... est-ce que c'est de la job à préparer? Oui, c'est beaucoup de travail. Okay. C'est de la planification, beaucoup. Donc, s'assurer que les jeunes soient là, les joueurs soient là, que tout le monde manque de rien. Donc, les joueurs, les organisateurs, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé pendant la fin de semaine. Donc, j'ai la chance d'avoir une belle équipe avec moi. Mais tous les horaires, les coachs invités, donc la préparation, on déjeune au cégep, on dîne au cégep, les salles de meeting. Donc, c'est beaucoup de préparation pour tout le monde, pour les entraîneurs, pour mon directeur des sports qui est très impliqué avec nous. Okay. J'avais le groupe du 13e joueur qui est avec moi, là, qui est un peu notre booster club, qui m'ont aidé beaucoup, de la nourriture pendant la fin de semaine pour les jeunes. Donc, on veut garder les jeunes, on veut s'occuper d'eux là, le mieux possible pendant la fin de semaine. Donc, c'est sûr et certain que c'est beaucoup de travail avant et pendant. Y a-t-il une surprise au camp que tu t'attendais pas du tout, puis que oui, lui, je vais l'emmener au camp. Tu l'as pas vu venir, puis il va venir au camp d'entraînement au mois d'août. Ben, il y a plusieurs joueurs qu'on a eu des belles surprises. Il y a des joueurs qu'on s'attendait, qu'on a invités, qu'on a recrutés, qu'on n'avait pas des grandes attentes, c'est qu'on savait pas qu'est-ce qu'il fallait nous donner. J'ai aussi un joueur, là, un carrière du Lac Saint-Jean, là, Tommy Plamondon, un ancien Saint-Félicien, qui s'est présenté à notre camp d'entraînement comme carrière. Donc, ça a été une très belle surprise. Il a bien fait ça pendant la fin de semaine. Okay. Un petit porteur de ballon aussi qu'on n'avait pas vu que l'hiver qui s'est présenté. Oui, on a des joueurs qu'on est contents puis qu'on espérait, qu'on a confirmé qu'on voulait les voir à l'automne prochain, qu'on voulait qu'ils joignent à notre équipe pour l'automne prochain. OK. Si on y allait maintenant, quel exercice que tu as fait? Pardon? Quel exercice que tu as fait? On fait beaucoup de confrontations. Fait beaucoup de confrontations un contre un. On fait aussi ce qu'on appelle un inside run. Donc, c'est une simulation de jeu au sol, donc avec les joueurs de ligne offensive, défensive, les porteurs de ballon et les secondaires de ligne. Donc, on met en place nos jeux. Par la passe également. Donc, c'est un peu des confrontations d'équipe. Et au final, à la fin de tout ça, ben c'est un match inter-équipe. Donc, un match, ce qu'on appelle un 12-12 ou un scrimmage. Okay. Donc, on termine le camp avec ça. Là. Généralement, la plupart des équipes terminent avec ça. Parce que pendant le pré-camp, on met en place des jeux, on se prépare. Puis quand on arrive à la fin, ben c'est là qu'on va évaluer nos joueurs en situation de match. OK. Donc, tu n'as pas vraiment fait de match simulé, comme qu'on dit là. Non, c'est pas un match simulé proprement dit parce que c'est seulement les jeux offensifs défensifs. Okay. Donc il y a pas d'unité spéciale. On n'a pas nécessairement assez de joueurs pour faire deux équipes complètes. Donc c'est un match inter-équipe là. On n'a pas fait de match contre une autre équipe, c'est vraiment entre nous. OK. Là, maintenant, donc, ce que tu as vu, c'est-tu quand même intéressant? C'est-tu quand même pour la prochaine année? Tu vas être en mesure de chauffer les gaillards? C'est vrai. On devrait avoir une bonne équipe. C'est le fun. On a un beau mélange de recrues. On a un bon noyau. Okay. Défensivement, on a plusieurs joueurs qui sont de retour. On va avoir une nouveau carrière en poste. Ouais. Raphaël C. qui est là depuis plusieurs années. Donc, ça va être un nouveau départ pour nous. On voit ça avec beaucoup d'optimisme. Ça s'est okay. vraiment bien passé en fin de semaine. On a beaucoup de joueurs, c'est le fun. On a du nombre, on a beaucoup de joueurs de ligne offensive. Comme on dit souvent, c'est le nerf de la guerre. Ah oui. On avait 9 joueurs de ligne offensive en fin de semaine. Des gros bonhommes. On a des bons receveurs. Non, on va avoir. Ça va être le fun. On a un bon porteur de ballon. On a le retour de Pierre-Olivier Dupéré qui était sur l'équipe étoile l'année passée, qui va être un des meilleurs receveurs de la Ligue, si c'est pas le meilleur. Okay. Jimmy Larose-Joubert comme porteur de ballon. En défensive, Jérémy Turbitte. On devrait avoir une bonne équipe l'année prochaine. On c'est difficile encore de dire voici l'équipe qu'on aura parce que l'automne est encore loin. Donc les joueurs du secondaire doivent passer leur cours, les joueurs du collégial doivent passer leur cours. Donc à l'automne prochain, je serai plus en mesure de dire si les joueurs que je crois qu'ils doivent être là, on va avoir une bonne équipe. Est-ce qu'il y a des joueurs qu'il pourrait s'ajouter d'autres joueurs à ce temps-ci de l'année là? Oui, il pourrait toujours s'ajouter des joueurs. Il y a des joueurs qui ont fait des camps avec des équipes de division 1 qui décident de revenir. OK. Moi, je suis en contact avec des joueurs, des fois, qui me demandent est-ce que t'aurais de la place si je reviens à ce moment-là. Donc oui, il y a des joueurs. Il y a des joueurs qui ont pas encore nécessairement, il y a des joueurs qui ont même pas encore fixé leur choix d'études. Il y a certains joueurs qu'on connaît pas qui ont fait des demandes dans des programmes puis qui sont sur des listes d'attente. Donc oui, des fois pendant l'été on reçoit des messages de des joueurs qui nous disent moi je vais venir au Cégep de Chicoutimi l'année prochaine. Donc des fois on a des belles surprises oui, qui peuvent arriver, plus nos joueurs français là qui vont se joindre à nous à partir de l'automne prochain. OK. Ben Nick, on va surveiller ça de très très près évidemment. Donc on va être là comme à l'habitude. Donc à l'automne, on va recommencer nos entrevues avec les joueurs aussi. Ça, je pense, ça va être une formule qui avait été très très appréciée l'an dernier. Et on s'en reparle dès qu'il va y avoir de quoi. Absolument. Merci beaucoup, Danny. Voilà, l'instructeur-chef des Cougars de Chicoutimi, Nick Manette.